Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'imprévu. Je me sentais vivant, je tremblais vraiment, je partageais mes sentiments. Une jolie fille sur la terrasse me faisait signe. J'étais en face sur le trottoir de mes idées noires. Je balançais tous mes espoirs. Il y avait le ciel, les oiseaux et la mer. Dans ses yeux voyageaient des ombres claires. Elle me prit la main et en un éclair, je faisais le tour de la terre. C'est incroyable de se sentir aussi léger que l'avenir. Que dans le monde à venir, je ne voulais pas intervenir. Baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'imprévu. Je me sentais vivant, je tremblais vraiment, je partageais mes sentiments.